Alors, el comandante. À l'odeur de la vanille, 24/7 pour les frères, c'est la famine. Attrape tes boyaux, l'euro-adrénaline défonce comme de la colombienne farine. La vie d'un noir à Paris, j'arrive plus à dormir. Je tombe dans mon lit, je sens les devils. Et vous, j'ai du mal à prier, ça vient du pays ou quoi? Je connais le bled, j'emporte les cicatrices. J'ai l'impression qu'on m'enfonce des clous dans la poitrine. 3 heures d'où je suis en stress, la gorge sèche. Ma voix n'arrive plus à sortir, je pense à mes filles. Ça peut pas être mon dernier soir, j'ai du mal quand je pisse. Pas de crédit, faut que je pip-pips. J'suis dans le drame, le cercle de feu. Où j'ai perdu feu, Jean-Louis est parti sous le feu. J'rappe pas, j'embrasse des larves de feu. Mes larmes c'est du feu, seules les armes et le feu parlent ma langue. J'suis dans le drame, le cercle de feu. Où j'ai perdu feu, Jean-Louis parti sous le feu. J'rappe pas, j'embrasse des larves de feu. Mes larmes c'est du feu, seules les armes et le feu parlent ma langue. Est-ce la bise de mon bise accroché à la barre, le crâne aux assises, comme piégé ou possédé d'une part? La famille comme milice pour nous calmer, ça sent les disques, clic clic on passe. On procède, d'autres nègres saignent, et pour leur fierté on se relève, puis tout le monde sait que c'est une foi lourde comme des falaises qui nous animent, plonge dans nos abîmes. Que laisse ton esprit imaginer, tu pleures, fais lui croire qu'on retrouvera mon flot traché, troué. Bouche ouverte avec du sang coagulé, non. Même si j'ai dit à mon prof d'histoire que le rouge de leur drapeau c'est le sang de l'Afrique. Vas-y, fuck, fuck. Napoléon n'était qu'un socle MC, tous nos leaders se font clic-cliquer ou on finit dans l'acide. Voilà mendicité. Comme Kelman et Calix Béala, à débiter des inepties. Dans le meilleur des cas, on aura des cloques et des psys. De la blanche et de la verte, nombreux finissent avec le drapeau du Nigeria dans le slip. On affronte les falaises, on fait des malaises et on combat des balaises. Je ne me reconnais plus, c'est vrai. Les vrais ne reconnaissent plus rien parce que les vrais sont censés reconnaître les vrais. Y'a plus rien de vrai. Aller-retour comme possédé, si je lâche, on coule tous. Je fais la guerre parce que plus rien ne plaît. Est-ce la bise de mon bise accroché à la barre, le crâne aux assises, comme piégé ou possédé d'une part? La famille comme milice pour nous calmer, ça sent les disques, clic clic on passe. On procède, d'autres nègres saignent, et pour leur fierté on se relève, puis tout le monde sait que c'est une foi lourde comme des falaises qui nous animent, plonge dans nos abîmes. Que intelligence racailleuse, faut que je les domine par la pensée. Ma victoire passe par l'épée, mon courage passe par mes plaies. Je sais que j'intéresse l'État, j'ai grandi en terrain de lion où défendre les intérêts des siens passe par le prix du sang. Beaucoup d'innocents enterrés pour une phrase de trop, souvent leur seule phrase. Les renseignements généraux sont paniqués par mes seules phases. La nuit se prolonge, je cauchemarde, les yeux ouverts, le cœur fermé. Excuse-moi si je ronfle, c'est le stress. Je vis chez une cousine, on est des millions à squatter sa couette. Ta mère immigrée en France, vie de chien, tu penses? Est-ce la bise de mon bise, hein? Crâne aux assises, perdu dans ma tête. Défoncé d'une part, prends des barres, je me barre. Est-ce la bise de mon bise accroché à la barre, le crâne aux assises, comme piégé ou possédé d'une part? La famille comme milice pour nous calmer, ça sent les disques, clic clic on passe. On procède, d'autres nègres saignent, et pour leur fierté on se relève, puis tout le monde sait que c'est une foi lourde comme des falaises qui nous animent, plonge dans nos abîmes. Cause